Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet-du-Près 1860. Question 40. Des personnes dans leur rapport avec les relations ou propriétés. Identité des propriétés, des relations et des personnes. 1. La relation est-elle la même chose que la personne? Puisque la relation est une chose réelle en Dieu, elle est l'essence divine. Or l'essence divine est identique avec la personne. Donc la relation et la personne sont identiques. Quant aux propriétés, elles sont dans les personnes et constituent les personnes mêmes, tout ainsi que l'essence est en Dieu et constitue Dieu tout à la fois. Note. Les propriétés sont les personnes mêmes, la paternité, propriété personnelle du Père, et le Père, la filiation et le Fils, et la procession, le Saint-Esprit. Fin de la note. 2. Les personnes se distinguent-elles par les relations? Deux choses établissent la distinction dans les personnes divines, l'origine et la relation. Mais, à y regarder de près, l'origine n'est pas quelque chose d'intrinsèque à un être, c'est seulement son point de départ, et son arrivée à l'existence. Il n'y a donc de réel dans une personne divine que l'essence et la relation. Or les trois personnes ne se distinguent pas par l'essence, elles se distinguent donc par les relations. 3. Les hypostases restent-elles quand on sépare des personnes les relations ou propriétés personnelles? Les propriétés personnelles ne s'ajoutent point aux personnes divines comme la forme à un sujet préexistant, elles portent avec elles leurs hypostases, parce qu'elles sont les personnes mêmes subsistantes. Les hypostases ne restent donc pas lorsqu'on fait abstraction des relations ou propriétés personnelles. Si vous écartez l'idée de paternité, la personne du Père ne reste plus comme distincte des autres personnes divines. La personne du Fils ne reste pas non plus sans la filiation, et on peut raisonner de même à l'égard de la personne du Saint-Esprit. 4. Les actes notionnels précèdent-ils, dans nos idées, les propriétés personnelles? Si. Comme nous l'avons admis, les propriétés personnelles caractérisent et constituent les personnes, nous devons répondre par une distinction, car l'acte notionnel, qui n'est autre que l'origine, se prend activement et passivement. Ainsi, dans le Fils et le Saint-Esprit, ou l'origine, en tant que filiation et procession, est passive, l'acte notionnel précède, pour notre intelligence, les propriétés personnelles. Mais dans le Père, où l'acte notionnel est actif, la propriété personnelle se conçoit avant l'acte notionnel, de même que la personne qui agit précède, pour notre esprit, l'acte qu'elle produit. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.